Là c'est Joule. C'est quoi? C'est 1, 3, 5. 5. J'ai le carton collé aux fesses. Ouais, j'ai peur pour mon petit frère quand je vois passer un monter au break. Tu peux invincible, même 5 calibrés des gros becs. Contrôle de police, rien, tu gardes le pet au bec. Tu étais un zizou, mais mec, le shit t'a trop tué. Mais la technique, ça se perd pas sur le terrain, tu les fais suer. Et quand un frère rentre, demande-leur, faut l'assumer. Parce que si tu l'oublies, dis que t'es une pute, t'as pas assuré. Les bagarres, ça sera-t-il. Pour la femme, on demande à Adil. Ça me vote la créatine. Chaque maman roule en Maserati. Pour nous tout est difficile, on connaît pas le maire de Marseille. Nous on connaît la sensation de cabriade sur la scène. On connaît la galère, on n'est pas au volant du Q7. On est un peu timide mais on se lâche un peu de 3 Q7. Viens au quartier avec les Schmitt, on fait des corridas. Dans le local y'a ce qu'il faut, armé comme Totorina. Y'en a qui parlent pas, qui foncent dans le tas. Y'a des mecs comme c'est ça, c'est pour les variants qui écoutent ça. Des mecs qui trappent le poivre ou même voyou. Des mecs qui ça en mettent l'état. Ça veut le Porsche caillou. Des mecs tout dans y'en a qui parlent pas, qui foncent dans le tas. Y'a des mecs comme c'est ça, pour les variants qui écoutent ça. Des mecs qui trappent le poivre. Vous même voyous, des mecs qui ont ça après le permis, ça veut le Porsche caillou. Des mecs tout dans le ghetto. Pour les mecs qui tapent pas, qui draguent, qui se droguent pas. Le soir ça rappe tard avec une Smirnoff, on est rappa. Vas-y écoute ça, c'est trop la classe pour les mecs qui doutent pas. Les vraies balances font cramer ton jeu. Plus à m'attacher, plus qu'une fille m'a lâché. Elle m'a fait mal la chaîne, et ça faut que vous le sachiez. Je me suis mis au large et j'arrive plus à nager. J'ai les mains dans la merde alors qu'elles sont faites pour brasser. Et au quartier ça s'agit, dès le plus jeune âge ça va en shit. Et le soir je croise les suites, envie de leur casser une vitre. Ça fait passer des temps. Mais ça reste anti-état. En ce moment y'a trop d'embrouilles, tout le monde cherche des Beretta. C'est pour les mecs dans le ghetto, est-ce qu'ils se lèvent tôt pour le guetta. 1, 3, 5 c'est trop rude, pas trop de vos soirées guetta. 2011 c'est la merde gros. Mais malgré tout, sache que Joule, c'est du rap d'intro. Y'en a qui parlent pas, qui foncent dans le tas. Y'a des mecs comme c'est pour ça, les variants qui écoutent ça. Des mecs qui traînent le poivre ou même voyou. Des mecs qui en mettent l'état. Ça a pas le permis, ça veut le Porsche caillou. Des mecs tout le temps. Y'en a qui parlent pas, qui foncent dans le tas. Y'a des mecs comme c'est pour ça, les variants qui écoutent ça. Des mecs qui traînent le poivre ou même voyou. Des mecs qui en mettent l'état. Ça a pas le permis, ça veut le Porsche caillou. Des mecs tout le temps. Y'a aussi Joule qui met les gaz. T'as reconnu le rap et les gars. 2011 c'est la merde. Même les petits veulent niquer les gras. Y'a des mecs qui mettent les gants. Y'a des mecs qui forment des gangs. Y'a des mecs qui font des plans. Y'a des mecs qui font des banques, y'a des mecs qui changent de clan. Ça te balance pour pas un franc. L'argent sale ça dure qu'un temps. Demande aux vrais qui ont les dents. Wesh Joule, alors le clip c'est pourquoi? Mais d'abord il faut que je donne temps. Chaque chose en son temps. C'est pour les classes, on se les crasse. Si tu fuis, on t'écrase. Et tu bouges, on te tasse. Allez Schmitt vite, on se casse. Tout s'entasse dans la tête, il faut qu'on se case. Toi tu te gases et tu niques tes sous au case. Toi la vie t'a rasé, à la guine t'es abonné. Le soir en boîte tu sais même plus ce que tu mets dans ton nez. Tu fais le marque. Mais c'est ta folle qui te met au charbon. Tu fais des sacs devant maman, tu dis papa. Y'en a qui parlent pas, qui foncent dans le tas. Y'a des mecs comme c'est ça. C'est pour les variants qui écoutent ça. Des mecs qui traînent le poivre ou même voyou. Des mecs qui en mettent l'état. Ça a pas le permis, ça veut le Porsche caillou. Des mecs tout le temps. Y'en a l'état. Qui parlent pas, qui foncent dans le tas. Y'a des mecs comme c'est ça. C'est pour les variants qui écoutent ça. Des mecs qui traînent le poivre ou même voyou. Des mecs qui en mettent l'état. Ça a pas le permis, ça veut le Porsche caillou. Des mecs tout le temps. Y'en a qui parlent pas, qui foncent dans le tas. C'est pour les variants qui écoutent ça. Trappe le pauvre ou même voyou. Ça a pas le permis, ça veut le Porsche caillou. Y'a des mecs comme ça. Des mecs qui dénoncent pas. Des mecs qui emmerdent l'état. Des mecs tout le temps au guettage. Il y a des mecs comme ça, vas-y énervé. Il y a des mecs comme ça. Il y a des mecs comme ça. Petit compte en 37, ouais. La DS, ouais. Ah, c'est pour Aldjin. Ouais, Aldjin là. Aldjin là. On passe à toi. Ah, vas-y, va, Aldjin. Garde la pêche, mon frère.